L'ijtihad. Mohamed ibn Salah al-Utaymin. La signification de l'ijtihad. 1. Littéralement, fournir un effort pour accomplir une chose difficile. 2. Légalement, fournir un effort pour comprendre un statut légal. On nomme mujtahid celui qui fournit un effort pour réaliser cela. Les conditions de l'ijtihad. 1. Connaître les preuves légales nécessaires pour accomplir l'ijtihad parmi les versets sur les statuts des choses ainsi que les hadiths. 2. Qu'il y ait connaissance de ce qui concerne l'authenticité des hadiths ou de leur faiblesse en connaissant, par exemple, la chaîne de transmetteurs et les hommes qui la composent, etc. 3. Qu'ils connaissent l'abrogé et l'abrangeant, ainsi que les questions sur lesquelles il y a unanimité, ceci afin d'éviter qu'ils donnent un verdict abrogé ou opposé à l'unanimité. 4. Qu'ils connaissent ce qui fait exception aux preuves, ainsi que les textes et autres, afin qu'ils ne donnent pas de verdict contredisant cela. 5. Qu'il y ait une connaissance de la langue arabe et des fondements de jurisprudence au sujet de la façon de déduire les verdicts à partir des mots utilisés, comme la notion de la généralité et de la particularité, le jugement absolu et le contextuel, le simplifié du détaillé, etc., afin de pouvoir donner le verdict impliqué par les preuves. 6. Qu'il y ait la capacité le permettant de déduire les verdicts d'après leurs preuves. Et l'ijtihad se divise et il se fait dans un sujet scientifique ou une question s'y attachant. Ce qui est obligatoire au mujtahid. Le mujtahid doit fournir ses efforts pour connaître la vérité, puis rendre son verdict en fonction de ce qui lui apparaît des preuves. S'il donne un verdict correct, il aura une double récompense, celle d'avoir fourni l'effort et celle d'avoir donné un verdict juste. Car en donnant le bon verdict, il l'a fait apparaître aux gens et l'a mis en pratique. S'il se trompe, il aura une récompense. Et son erreur lui sera pardonnée. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque le juge fait un ijtihad et donne le bon verdict, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il aura une récompense, rapportée par le Bukhari et Muslim. Et s'il ne perçoit pas le verdict qui lui semble juste, il se doit de s'abstenir. Ou alors, il lui est permis de donner l'avis d'un autre, vu la nécessité.